toi de ton silence, de ton sarcophage à momie, de momie là et qu'on oublie. Réveille-toi de ton silence, réveille-toi de ton silence. Lève-moi de mon...